إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شفوته de sa sagesse sans limite li fait ban événement li fait ban action en place qui nous insan nous pas nécessairement pose question bictifié Allah fin pesa. Pourquoi nous pose question? La yus'alu amma yafalu wa hum yus'alun. Li Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate 21 sur l'Anbiya, li jenou, li dit pena faut questionner li qui veut ça y envie. Mais c'est nous qui pour être questionné. C'est nous qui pour être questionné. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin faire telle situation arriver dans telle place qui quand dit que là-bas il y a majoritairement musulmans et là-bas il y a plus beaucoup non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala pas que je ne touche pas dans rien, mais nous ne posons aucune question, non. Nous qui pouvons être questionnés, l'eau, ça qui nous peut dire, l'eau ça qui nous peut, l'eau ça qui nous peut faire. Chers frères, quand nous prenons un livre, l'eau ban sahaba, à l'exemple de un de ban livre qui nous brûle en arabe et lui est traduit en anglais, ban dimoun ban miché autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce titre même comme ça, ban miché qui autour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, l'hypécose concernant ban sahaba de sa livre. L'hypécose l'oban sahaba. Quand nous peut dire un sahaba, veut dire c'est un quelqu'un qui trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce délégué. Il finit une croyance dans lui, veut dire il connaît, ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il molle sa croyance là. Veut dire quand il fait mot, il connaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Il connaît ça. Quand nous guettons Habam livre là, en dernier. Et j'ai dit que cause de ban sahaba là, dernier, ça qui nous appelle sahaba, à aucun moment nous ne pouvons pas diminuer ce daraja. Non, au contraire, nous voulons augmenter ce daraja. Connais-tu ça qui cité? Mais c'est Isa alayhi salam. Mais c'est Isa alayhi salam. Kajambé, Isa alayhi salam, ben prophète, oui, un prophète. En même temps, Ngati Sahaba, mais comment nous répondre ici. Pour un prophète, il y a un prophète, oui non. Denis en Daraja, c'est-à-dire. Denis en cours. Pas qui a dit prophète, il fait une sahaba. Non. L'idée d'un prophète, Denis Daraja en cours. Qui fait? Parce que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fais un miraj, est-ce qu'il y a Isa alayhi salam tu trouves lui, oui non? Il trouve lui. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère et sœur, il fait un mirage, excepté qu'Isa alayhi salam, il trouve lui et il convient avec lui. Ensuite, Isa alayhi salam croit dans lui, oui non? Il croit dans lui. D'ailleurs, quand il révèle la terre, c'est sur la loi même qui, sauf et réfère à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ben l'autre qui lui fait ordonner même qui Isa alayhi salam pour continuer. Ensuite, Isa alayhi salam l'occupe pour mourir. Pas le Muhammad Rasulullah, mais qui était à l'autre. De là, chers frères et sœurs, nous dire, nous ne trouvons à aucun moment, nous ne pouvons pas dire, mais ce daraja, il y a un prophète. Pareil que moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon plus proche avec Isa alayhi wa sallam qui jeûne, parce qu'entre moi avec lui, il n'y a aucun prophète qui vient de salater là. Chers frères et sœurs, nous prenons comme ça qui fait, parce que là, nous peut causer, Isa alayhi salam vivant auprès d'Allah. Ça nous croyons ça. Ça nous croyons. Il est au premier l'échelle, il est au deuxième l'échelle. Ça n'a aucune information sur lequel l'échelle était. Mais l'information qui nous gagnait dans Surah 4, Surah Nisa, ayat 157 jusqu'à 159, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause le lit Isa alayhi salam, quand on a dit Allah subhanahu wa ta'ala dit bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Bal, certainement. Bal rafa'ah. Rafa'ah veut dire élevé. Allah subhanahu wa ta'ala fin élevé li, fin fait li monter. Ilayhi veli Allah. Nous pouvons dire à Zoudi, chers frères et sœurs, Isa alayhi salam vivant. Pas le latin. J'en veux, quand t'es vivant. Nous, on connaît. Est-ce que nous avons le droit de poser cette question-là? Nous croyons, c'est quoi? C'est que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin élève un insan. Même bien prophète. Dans principe, la vie, Allah subhanahu wa ta'ala pour bien faire lui trouver l'amour dans la terre. Donc, pour bien faire lui, elle y redescend. Donc, ça, c'est le premier point qui, un croyant, chef et sœur, il amène quand il peut vivre dans sa oumala, il connaît qu'il peut y avoir un prophète pour revenir. Pas en tant que dernier prophète, loin de là. Parce qu'il étudie déjà l'eau la terre. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, pour se sager sans limite, il ou l'élit comme ça. Il n'y a pas de disparaître devant maintenant. Il élève lui. Ensuite, pour arriver un jour, être sûr, chers frères et sœurs, Isa alayhi salam pour revenir sur la terre. Ça, c'est le premier point qui vient clair de nous rappeler. Isa alayhi salam vivant. Pas inendormi. Pas si pas lui donne l'état. Non. Pas besoin de réfléchir à tout cela. Les vivants, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous avec lui, dans la nuit des mirages, et puis il n'y a qu'une genou comme ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala enlève lui, il endormi lui, donc nous prenons lui comme il enlève lui, comme ça même il était. Jusqu'à arrive le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, ou les descend. Nous continuons, chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire, Wallahi, il fait serment le nom Allah, La yandilanna ibn Maryam hakama wa adila. Ibn Maryam, garçon de Maryam. Garçon de Maryam. Et nous vous trouvons, c'est un de Banra, prophète, qui est appelé par garçon intil. Pourtant, nous tous connaissons Daoud alayhi salam, ce garçon de Suleiman alayhi salam. Mais seulement, est-ce qu'il nous tente de Ban Hadith, de nous Suleiman ibn Daoud? Pourtant, nous connaissons Ismaïl alayhi salam, c'est le garçon d'Ibrahim alayhi salam. Ishaq alayhi salam, c'est le garçon d'Ibrahim alayhi salam. Est-ce qu'il s'y dit de cette façon-là? Jusqu'à même dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala cause de Isa alayhi salam, il y a Meli, il y a Tafli avec ce maman. Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue pareil pour lui dire Man adraka minkum Isa ibn Maryam. C'est lui qui parmi eux pour joindre Isa alayhi salam qui lui fait du salam pour moi. Un amanat ça. Un amanat du Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui donne ce umma. C'est lui qui parmi eux pour joindre Isa alayhi salam. Chers frères et sœurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est du salam pour le prophète. Premier hadith qui nous vient de citer, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il fait faire serment qui Isa alayhi salam pour descendre. Wallahi, il fait faire serment le nom Allah. Ya Rasulallah, tu n'as pas fait serment pour nous croire toi. Mais seulement pour lui mettre l'emphase sur cette chose-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire serment. Nous continuons, chers frères et sœurs, après avoir qui, alhamdulillah, nous fait connaître, oui, il faut bien descendre. Parmi les questions qu'il nous capable de poser, quand nous veut dire nous capable de poser parce qu'il y a son réponse. Pas bonne question qu'il voudrait nous poser pour mettre quelqu'un de difficulté à guetter l'Ipan connaît. Mais si il y a un hadith là, comment il vous répond? Si il n'y a aucun hadith là, comment dit mon pour répondre? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de hadith qui trouve d'Ibn Majah, il dit « Taqaddama yusalli bihi subh idha nazala alayhim Isa ibn Maryam » Il bécose l'imam Mahdi. Il dit « Taqaddama yusalli bihim al-subh » Al-subh veut dire Fajr. Imam Mahdi peut aller « Taqaddam » peut coster. Il peut aller de l'avant pour lui faire namaz Fajr. « Idh nazala alayhim Isa ibn Maryam » Et au fait, tu finis de descendre, tu descends dans la masjid, qui s'en a? Isa al-Islam, tu descends dans la masjid. Et tu finis de descendre, tu allais là. En d'autres mots, depuis ce hadith-là, chers frères et sœurs, premier salat qui est Isa al-Islam pourrait faire l'eau la terre, c'est qui salat? Fajr. C'est Fajr. Premier salat qu'il préfère. Nous dire bien qu'il pourrait faire qui faire, parce qu'il ne faudrait pas nous penser qu'il namaz, ça qui nous peut faire là, c'est juste pour nous ça. Non. Non. Regarde le Coran à l'exemple de Ismaïl alayhi salam dans surah 19, surah Maryam, que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadkur fil kitab Ismaïl » et imagine dans l'histoire Ismaïl alayhi salam « Innahu kana siddiqan nabiyya » Certainement, tu peux imaginer véridique, pour imaginer prophète. وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ Il dit, on donne sur la famille pour faire salat. Ismaïl. Ibrahim alayhi salam qui dit, رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Oh mon Rab, fais-nous vivre parmi ban qui muqim, qui régulier avec salat. Je tiens un namaz, je dis oui non. Je tiens un namaz. Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala cause avec lui, qui dit, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Oh Moussa, fais un namaz pour ça, pour te rappeler moi. De là, nous trouvons qu'un namaz, ce n'est pas juste pour nous là. Même ban prophète qui avant nous aussi, tu peux faire un namaz. Je ban peuple, tu peux faire un namaz, oui non. Je peux faire un namaz. Comme il y a rakat, ça c'est une autre petite chose. Mais namaz, c'est déjà là où la terre, chef. Une vie obligatoire de ça, Oumala, oui, à travers l'événement des mirages. Mais seulement Naman, si déjà un ibadat qui va des autres avant nous, tu peux faire. C'est pour ça qu'on nous peut dire premier Naman, qui Isa alayhi salam pourrait faire. Quand il vient de la terre, il ne faut pas nous penser, mais pas première fois qu'il fait Naman là. Pas première fois. Parce que quand nous peut dire Moussa alayhi salam, c'était ban qui vient de descendre pour lui ban, ban juif. Donc c'est un Naman pour eux, oui non. C'est un Naman pour eux. Quand nous peut dire Daoud alayhi salam, quand nous peut dire Ibrahim alayhi salam, c'était tout simplement le prophète là, dans notre peuple qui était, chers frères et sœurs, sûr, je tiens un namaz, je aussi. Donc, premier namaz, qui est Isa alayhi salam, quand il pourrait venir la terre, pour lui faire, chers frères et sœurs, excepté ces namaz fajr, et comment nous tu prends, alhamdulillah, concernant Imam Mahdi, veut dire quand il rôde qu'il est, pour lui faire, Isa alayhi salam, debout imam, Isa alayhi salam, épaule sur la mélo, entre les épaules, Les pousses-li devant, c'est ça qui nous prend, alhamdoulilah. Chers frères et sœurs, première question qui nous posait, c'est quoi de salibou descendre? C'est quoi de salibou descendre? Quand nous dit, nous pose question-là, qui faire? Parce qu'il a causé dans son réponse. Et non pas, une question qui, vous pouvez amener certaines questions, moi je m'en ai une question. Non, il va comme ça. La question-là nous est posée, la cause hadith-là devant moi, et hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Yanzilu Isa rinda manarat il baydla » Isa alayhi salam pour descendre manarat. Donc, il dit comment Albion était fort. Il dit qu'il pour descendre dans une place qui est fort. Qu'est-ce qu'il a trouvé, ya Rasulallah? « Chalqiyash al-Dimashq » Dimashq, Damascus. Azodi nous peut trouver dans la guerre là-bas, j'avais. Il n'a rien fait au din, ça. Il n'a rien fait avec din. C'est sa place là même qui ressort, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit la semaine passée, quand nous causons Cham. Nous causons tout ça là. Oubliez la Syrie, Jordanie, etc. Là. Tout ça l'appelle Cham là. Dans son lait. Il y a une montagne qui est une folle là. Je préfère, c'est là-bas qui réussit les salams pour les femmes. Là-bas qui, Isa alayhi salam pour descendre, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, alayhi mumarrisati. Pour y a un linge, un jaune pâle, un jaune pâle. Quelle description que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donnait avec précision. Il pour descendre dans l'est de Damascus. de soleil. Ensuite, que Salih vous descende dans une place qui peut être un fort. Troisième, il faut une linge de lit, une linge qui pour une couleur jaune. Et comment nous connaissons ça, c'est Risa alayhi salam, qu'anna ra'sahu yaqtiru minhu al-jaman. Sur la tête, quand vous êtes là, vous trouvez une goutte de l'eau qui descend. Au fait, ce n'est pas une goutte de l'eau, ça. C'est PL qui peut descendre. Ça, Risa alayhi salam. Ça, c'est Risa alayhi salam. Sur la tête, quand il baisse, vous trouvez une goutte de l'eau qui descend. Non! Au contraire, quand nous avons un hadith qui trouve dans le Tirmidhi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui trouve d'Abu Daoud, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous trouve, comment dire, sur ses vins mouillés et de l'eau qui descend. Wa illam yusibhul balal. Et pourtant, cela ne fait pas mouiller. Cela ne fait pas mouiller. Veut dire, c'est très sur ses vins, même qui comme ça. Comment dire, humide. Et quand vous avez dit, comment dire, de l'eau qui descend, mais au fait, c'est pas de l'eau ça. Mais c'est quoi? C'est PL qui peut descendre depuis ce cheveu. Chef frère, une précision pareille. Fin vinyle au sol descente. Juste pour qui? Sa croyant là connaît vraiment que Pédiano il peut descendre. Qui précision? Comment il peut descendre? Comment? Hadith de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa yanzilu wadihan yadayhi ala ajnihatil malakain » Il peut descendre, il peut prendre sur la main, il pose le haut des 11 autres les ailes. Allah peut descendre de sa façon. Hadith qui trouve de Tirmidhi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous comment Risa alayhi wa sallam peut descendre. Quelle bonne précision que le prophète nous donnait, non mais ni mes précisions qu'il n'y pas donné. Sa prophète là, est sûr, il n'y pas oublié, non rien. La façon qu'il réussit les salams pour descendre chez le professeur, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui m'excéder la main. L'eau des anges, un bout de ce droite, un bout de ce gauche, je descends ni l'eau la terre. Quand ça, je vous descends ni je, ne gagne l'autre pour descendre ni. Dans l'est de Damascus, l'eau, un place qui est un fort, un linge de lit, un pays jaune pâle, Livini, l'Ikosé, l'Iran de Masjid, et Yatan Namas Fajab. Ça concernant la personne. Ça concernant, chers frères et sœurs, concernant lui-même, lui, Risa alayhi salam. Nous continuons pour nous dire, pas une quelque chose qui nous bien connaît. Le Risa alayhi salam, chers frères et sœurs, quand il vini. Mais qui est pour faire à l'os? Qui est pour faire? Oui, en tant qu'il y a un prophète, passe message que les tiens pour faire de son époque. Qui fait? Parce qu'un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, envoie vers un peuple, vers un umma ou non. Mais ça umma là. Pour que ça n'en là. Pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas ce umma là. Pas ce peuple là. C'est pour ça qu'un cas prouvé avec qui on peut poser question qu'il est pour venir faire. Non. Un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, envoie vers un peuple. Parce que ce peuple là fait aldor légalement. Sa prophète-là vient depuis eux-mêmes, les délas nous dire, sa prophète-là sont Umma. Mais oh, Isa alayhi salam, tu peux descendre Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question concernant sa Umma-là, pas posée. Donc tu as besoin d'abandonner les autres, quelque chose que tu peux faire là-toi. Tu as besoin d'abandonner les autres travails. Parce qu'un prophète, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait dire le Coran, lui pas fin envoie aucun prophète excepté pour dire aux autres, ado, pour dire peuple ado, ado Allah. Tout prophète qui manifeste ce travail, sans exception. Mais toi, Risa alayhi salam, ça peut être qui te peut venir là, il finit envoyer un prophète vers eux, en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes et lui-même dernier. Est-ce qu'il te peut venir faire ce travail-là ou bien abandonner ce travail, chef frère, premier travail? Quand on peut dire premier, pas le rang. Mais parmi le travail qui y en a. Un là-dedans, ça qui nous prend, c'est concernant Dajjal. C'est concernant Dajjal. Veut dire, moi en tant qu'un croyant, comme on connaît Isa alayhi salam pour redescendre, Alhamdulillah, on connaît sur place, qu'il est. Parmi quelque chose qui m'a ajouté au cours de mes connaissances, c'est quoi? C'est. Pour une manque de choses qu'il vous vient faire, c'est lui-même qui vous tue Dajjal. C'est lui-même qui vous tue Dajjal. Et ça, hadith clair, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, quand Dajjal vient direction Madina, ben ange pour aller direction Hacham, il peut prendre direction la Palestine, jusqu'à qu'il arrive dans l'endroit qui appelle Babeloud, Le temps, il arrive là-bas, c'est un qui veut l'église. Aïssa les salam. Aïssa les salam qui attend là-bas. Et Aïssa les salam pour tout lui dire. Et Aïssa les salam pour tout lui dire. Ça, c'est un promis sur mon travail. Je vais trouver simple, l'intuit d'Adjal. Oui, je connais l'intuit d'Adjal. Mais non! Réponds-lui d'une autre façon à se dire. Le fait qu'il est tué d'Adjal, d'Adjal, c'est plus grand, si ce n'est qu'il vient là. Mais qui lui vient arrêter l'eau la pierre pour le droit d'Allah là? Chers frères et sœurs, c'est la fitna. C'est tout bonne tentation qui peut amener un dimon pour désobéir à Allah. Aïssa alayhi salam qui lui dit. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire « Wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adila » Il peut descendre comme un chef juste. Parce qu'il peut éliminer tous les mâles, oui non. Il peut éliminer tout. Tout ce qui appelle le mal, tout, il peut éliminer. Juste pour nous gagner une idée, chers frères et sœurs, c'est l'intuit d'Adjal. Les grands fitna qui finissent d'exister dans la création. C'est les fintouilles d'Adjal qui pour rester à l'os. Pas pour la désobéissance, pas pour la fitna. Nous qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Toubi les riches bar d'Al-Masih. Comment les pouvons pour vivre quand Isa les salamin descend. L'irait dire. Comment les pouvons pour vivre bar d'Al-Masih, veut dire après la descente de Isa. Alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça là. Qui fait? Les contient les dire. Yo, zana les sama, fil qatr, fayomte. L'échelle sur la pluie commence à tomber normal. Normal. Parce que dans l'époque qui d'Adja, tu peux faire ce fitna, soit disant les qui tu peux contrôler, et ban qui n'a iman, quand tu fais semaine passée, alhamdoulilah, les testent les autres pas, pour pas faire les autres animaux, gagnez-le. Mais l'époque Isa alayhi salam, la pluie recommence à tomber normal. Ok. Ensuite, wa yuqzana lil ard fa yunbat. La terre, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, la terre gagne l'autre pour pousser. Quelle précision le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait. Juste pour nous comprendre, comment il faut bon pour vivre ça à l'époque-là. Les dire, même si tu prends un lagrin, tu mets-il un rose, qui polie, puis la pousser. L'ON rose. Pas fait cause de la pile, hein. Si tu as à l'époque-là, tout pour bon. Même on prend la graine, on pose dire, on met une rose. Il pousse. Pas juste une femme sur mental, c'est ce qui vous changez là, hein? Nous venons avec lui là. Mais seulement toute la création complètement. Chef, c'est une changée. Nous avons rose pousser, faire pied pousser. Dans rose. Et pourtant, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de ça. Les contient les dire Hatta yamurru rajulu bil asadi. Jusqu'à même qu'un zimoun li passe côté un lion. Fala yu'zan. Il passe le lion là-bas, c'est lion du tout. Rose. Il se fait là, Zanimotou fin gain. Ta sympathie, sa compatie pour vivre l'eau la fière, la fière. Ou passe côté un lion, il passe où non. Juste pour nous comprendre quand Isa alayhi salam fin descend. Qui a été vraiment pour la justice et vraiment pour bon pour vivre. Vous voyez que le pasteur de l'union il va faire ou non rien. Qui vous en dit pas faire. Mais ça qui vient après là, qui ne vous dit à l'autre. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quand même qu'il y a un djimoun ni morslo un serpent. Serpent n'a pas piqué. Ni morslo un serpent. Serpent, parfois, pas nécessaire, mors le lit pour y attaquer. Mais ici, on mors le lit. Et première réaction qui sa créature-là, il y en a, c'est quoi? Lit? Il tourne. Même au cas, il va faire un oignon. Un serpent. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut prendre des animaux, ça qui nous connaît, ban plus féroce, ban qui plus attaqué. Ça va même dompter. Mais ban mérite là qui n'est arrivé à l'os. C'est ça, les animaux. Chers frères et sœurs, c'est ça, rose. Qui reste à terre? Reste-nous une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam contient et lui dit dans ça l'époque-là, la yakounu bainahum, veut dire parmi bandimoun, al-hasadu wal-barda. Pas pour une attitude jalousie, pas pour une attitude la haine. En tout bandi moun. En tout bandi moun, pas pour une attitude jalousie, attitude la haine. Mais dis moi pas réussi à sentir la haine pour lui. Il n'y a pas de du tout. Je n'ai pas réussi à sentir une jalousie pour lui. Je n'ai pas ressenti rien. Je n'ai pas réussi du bien. Et lui aussi, pareil, il n'a pas du bien. Qui l'époque qui nous fait causer, chers frères et sœurs? L'époque de Aïssa al-Salam. Mais seulement après avoir une partie. Qui étape? Étape de Dajjal. Attention, j'avais vraiment souhaité pour vivre ça à l'époque-là. Mais c'est vraiment une grande test qui vous vient avant. Et une grande étape. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? Juste pour nous comprendre, alhamdulillah, ou Allah, vraiment, quand il faut venir pour la justice sur la terre. Quand nous pouvons dire en deux dimons, mais qui bande dimons à l'autre? Qui bande dimons, chers frères et sœurs, l'autre à la terre là pour la justice des musulmans? Vous pouvez gagner un tracas pour conquérir dans l'époque Isa alayhi salam pour la justice des musulmans sur la terre. Seulement, hein? Mais après, après sur l'amour qui va nous regarder. Après sur l'amour. Mais seulement dans cette époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « فَيُفْلَكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ » Dans cette époque, Allah subhanahu wa ta'ala pour finir tout dîn qui est là, excepté l'islam, il y a fini. Mais quand il faut rester à l'os, il y a là pour s'en aller. Il y a là pour Allah. Il envoie ce prophète comme un miracle libéré des années, mais il fait la terre là, il faut tout tranquille pour vivre. Ça, étape qui vous vient à la fin de ça, le monde. Quand il pourrait venir, chers frères et sœurs, sans compte qui rose, lion, serpent, même dimoun, parce que ben dimoun là, dans l'époque là, pour un aziz, ben qui n'a imam. Qui fait? Parce qu'il y même ni, Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa yuksaru salib wa yaktulu al-qinzir. Tout la croix qui est là, les vous cassez. Tout la croix qui est là, et ça, alhamdulillah, nous a connus. Mais là, nous fait ressortir un point. Parfois, on a dit, mon cher professeur, deux autres dit la cause de ma et même. Et on a dit, mon comme ça. Alhamdulillah, il veut dire, il surveille la loi d'Ine. Mais seulement de surveiller la loi d'Ine de Moulakaz, est juste ça aussi. Hadith, ça peut dire nous clair. Ange parent d'un Nakaz qui est dans la cloche, qui est dans la croix, qui est dans le chien. Ça fait la discuter l'eau là. Hadith la clé, fait dire nous, Isa alayhi salam vini, li pour casse tout la croix qui est là. Et n'a dit mouna le comprend, mais li pour casse sa barreau là, vous connaissez. Parce que quand on veut du bout, moi, je trouve qu'on vient de la croix des là. Un petit bout là-haut, il fait comme ça, de mon la casse, il y en a. Quand on veut mon mob, si moi, je trouve, moi, il fait la croix en bas de la case. Quand on veut mon vinyle, il fait la croix. Mais au fait, qui n'arrive à l'os? Est-ce qu'il nous pas nous comprendre de hadith, de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il peut dire, il faut casser la croix. À qui il peut réfléchir? À la croix qui est un dimoun, ce n'est pas de ce cahier, pauvres enfants, là, cahier quadrillé, il faisait faire des voix, est-ce qu'on met la croix dans l'arrivée là-dedans? De ce... Est-ce que c'est la croix là qui fait causer là? Ou bien c'est la croix qui banna, qui prend lui comme je boyer, je ne mettais, je ne dis, en soi-disant lui-même ça. Ou bien c'est la croix là qui fait causer là? Donc, chers frères et sœurs, qu'on peut dire nous, les poucas, la croix, qu'on peut dire nous, ange parent d'un nakas qui est dans la croix, faudrait pas t'aller comme on rentre la case, moi, commence à être barreau, moi, commence à être mort, moi, commence à être votre rédasseur, moi, ah ben, dis-le le courant. Si, parfois, il y a fait de la croix, c'est un peu la côte d'onge, là. Qui nous vous fait, hein? Mais nous, on passe à la croix, là. L'hyper-réfère à la croix, qui va un chrétien, fin prend. Donc, les promis, c'est une action qu'il est pouvait faire, c'est les poucas, ça va. Ça bande la croix là, et c'est une de bonnes façons qui, ça bande religion là pour enlever l'eau la terre. C'est une de bonnes façons qui, sa religion là pour enlever l'eau la terre. Parmi les questions qui nous posait, chers frères et sœurs, c'est sa étape, sa façon qui, la terre pour être là, mais Dieu pas pour aucun digne, excepté l'islam. Est-ce qu'il est bon pour vivre l'eau la terre? Oui, pour bon pour vivre l'eau la terre. Pas pour une jalousie, pas pour une la haine. La vie pour tomber, tout pied pour pousser, alhamdulillah, même les animaux, pas pour une réaction pour faire quelqu'un du tout. Sa étape là, sa façon là, combien de temps il faut vivre, combien de temps il faut durer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Thumma yamkutu an-nasu sab'a sinina laysa bayna ithnaini adawa. Pendant 7 ans ça peut aller. 7 ans. Pas pendant 7 ans, Isa alayhi salam pour vivre, hein? Non, non, non, non. Pendant 7 ans, ça, pas pour la haine, pas pour la jalousie, la terre là pour aller comme ça tranquille. En même temps, il dit qu'on trouve un travail. Qui va un travail? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Imaginez-nous ça à l'époque là. Nous voyons qu'on a un mauvais dimoun. Donc, dans cette époque-là, quand on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, il passe la main aux autres la tête, wa yuhdithahum bidarajatihim fil jannah. Et chaque dimoun qui vient il passe la main aux autres la tête, il dit t'as fait de toi pour dans jannah, t'as fait dans tes îles d'arajat, toi. Tout, je suis vivé de ça. Pour lui-même, quelque chose qu'il faut faire, c'est tout ban dimoun qui peut venir guetli, il passe la main aux autres la tête, et il fait les autres connaître dans jannah qui? Qui dira déjà je fouette, que ça je fouette dans le Jannah. De là, nous pouvons comprendre, veut dire, Alhamdoulilah, ben, il y a des gens qui peuvent vivre dans l'époque. C'est qui ben à l'os? C'est qui ben à l'os? Nous pouvons imaginer, nous, comment il faut pour vivre dans le jour, là, de ça, ces temps-là. De ça, ces temps-là, la paix-là, vraiment, comment pouvait-il gérer? Mais seulement, il faut bien réarriver à une descente, qui faire? Pour les finir, faire. Pour les finir. Mais ce qui est avec nous, c'est quoi? C'est, avant de terminer, parmi les actions qui lit, Raïssa alayhi salam, il fait. Parmi les actions, chers frères et sœurs, il fait une descente de l'Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut suivre sa Umma-là. Ben, la loi qui finit appliquer. En d'autres mots, il peut prendre même la loi qui finit descendre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut abide avec ça. Il peut continuer ça même. Il veut dire, pour la loi qui est là, c'est 5 namans. Il veut continuer ça 5 namans, ça pareil. Il va vous dire, dans mon époque, il va dire, quand tu descends le mois, tu comprends, non, il continue pareil. Il ne peut pas dire, tu parles de mon indil, quand tu descends le mois, tu comprends, non, il continue dans la loi zakas. Malgré qu'il est dans l'époque, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui cache pour un abondant. Ou pour appeler des gens pour donner des cas, je pourrais finir. C'est à l'époque là. Ou pour appeler des gens, ou vous allez venir, mon casse pour donner des cas, moi, il n'y a de moi. Mais c'est à l'époque là que moi, il voulait faire. Pendant ces temps-là, c'est une petite chose qui peut arriver. Et parmi les petites choses qu'il peut faire, chers frères et sœurs, c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit dire, Wallahi nafsi biyadi. Pour celui qui me nafs dans son âme, la yuhlanna ibn Maryama. Il faut faire tel billah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam cite non. Des collines, hajan ou murtamiran ou l'ismenihima. Soit il peut faire au moins, soit il peut faire hajj, ou bien tous les deux ils vont le faire. En d'autres mots, parmi les actions qui, Isa alayhi salam pour faire chef frère, c'est quoi? Soit il peut faire au moins, soit il peut faire hajj, soit il peut faire tous les deux. Mais ça qui sire, il y en a fait avoir avec sa femme à roi. Ça sire. Ça qui sire, lire Isa alayhi salam de ce vivant, il peut le faire, tawaf, il peut le faire, il peut le faire au moins. Et parmi les petites choses qui nous connaît, chers frères, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant lui-même, Fayam koto fil ordi arbarina sana. Pendant 40 ans, il pourrait rester au la terre encore. 7 ans. La terre est bon pour rester. Le 8e année, il contient. Jusqu'à qu'il pas de gain 40 ans, parce qu'il se disait même là, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'enlève, il pourrait rester au la terre pendant 40 ans. Tout le monde est à wafa. Ensuite, il faut mourir. Ensuite, il faut mourir. Yusallir alayhi al-muslimoun. Et ben, musulmans pour faire salat, le lit, le djennamaz, djennaza. Dernier point pour nous terminer, chers frères et sœurs, une de bonnes questions qui, nous pas capables à côté avec les, mais seulement, nous vous besoin de dire. La question c'est, qu'est-ce qu'ils vont enterrer? Beaucoup du monde pensait, qu'ils vont enterrer dans Madina, à côté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit moun qui dit ça là, nous dit lui comme ça, si l'autre qui nous fait entendre dans le passé, est neutre. Première petite chose, il n'y a aucun hadith qui dit que ça, Isa alayhi salam pour enterrer. Il n'y a rien qui dit ça. Oubliez ça dit moun qui nous dit, il y a une cabale vide de Madina, et quand il faut enterrer là-bas, ça n'a plus. C'est difficile encore là. Mais seulement prends-les bien. Nous disons les bases, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec parole Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Il dit que Isa alayhi wa sallam pour moi, il est à côté de moi. Il n'y a rien qui dit ça. Mais seulement, nous disons bien, mais seulement, Abdus Salam. Abdus Salam, c'est qui ça? C'est un parmi les chrétiens qui n'embrasse l'islam. Un sahaba. Qui a connaissance de l'Injil. Quand nous pouvons dire l'Injil, qui l'Injil nous peut causer là? L'Injil, pas ça qui finit trop manipulé là. Non, non, non. Pas un chrétien, il y en a qui finit contre l'autre. Ça, vous avez une connaissance là. Il dit, il écrit dans l'Injil qui Risa le salam pointé à côté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis-nous comme ça. Dans le hadith, chef précieux, il ne faut pas nous penser de hadith qui nous dit ça. Qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est un sahaba qui fait nous connaître dans l'Injil qui nous dit ça. Dans l'Injil qui nous dit ça. Mais là qui nous fait retirer. Est-ce qu'il nous accepte lui ou bien nous rejette lui? Dans nous dit comme suite. Quand une parole vient depuis sa bonne niveau là, nous pas accepter et ni nous rejeter. Nous restons tranquilles au milieu de nous là. Ça même qui nous appelle bonne parole depuis bonne Israéliade. Il y en a beaucoup comme ça. Israël, l'Iyad. Toutes les paroles qui viennent depuis Israël, l'Iyad, chers frères et sœurs, nous pas accepter et ni nous rejeter. Nous restons tranquilles là. Ça, c'est ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous concerne dans nos paroles. Quand on a dit nous comme ça, dans Torah, dans l'Injil, qui nous fait? Non, non, non, non, menti ça. Qui peut gagner? Ça, nous pas accepter ça. Nous devons rejeter. Et ni tout. Accepter-les comme ça même. Qui nous fait, chers frères et sœurs, nous reste tranquilles. Malgré qu'après ça, beaucoup savants font une cause là. À l'exemple d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, rahimahullah, nous connaissons Ibn Kathir, c'est qui ça? Ibn Kathir, c'est lui qui finit un de bons tafsirs qui finit une acceptation de Salimouna, parce que si vous dites un djimoun qui tafsir, il connaît déjà Ibn Kathir. Et le pape connaît qu'au fait, Ibn Kathir, c'est le troisième livre tafsir qui finit exister. Avant lui, il y a un sous-professeur, Imam al-Qurtubi, rahimahullah. Il fait un livre tafsir. Après lui, il y a un deuxième imam, Imam al-Tabari. Ibn Kathir, rahimahullah, qui lui fait lui, il prend sa deux tafsirs là, il ajoute ensemble, ensuite il y a même ça qui pour lui, il met trois ensemble. Les Tendjimoun redit à l'os. Dans place, il faut aller tafsir Ibn Kathir, dans place, il faut aller tafsir al-Qurtubi, dans place, il faut aller tafsir al-Tabari. Donc, qui lui gagne tout? Ibn Kathir. C'est pour ça qui ne trouve plus beaucoup de monde qui t'a acheté Ibn Kathir. Ça imam là, il n'est pas pour cause de sa dîna pour sa passion. Il n'y a aucun doute. Si c'est faux qu'il y fait, c'est une gagne acceptation ça oumala. Oumala en entier, je n'accepte. C'est un des plus mon tafsir qu'il a, c'est tafsir Ibn Kathir. Est-ce qu'il nous attend qu'un djimoun comme ça, il faut inventer de sa dîna? Parmi même parole qu'il dit, lui, chers frères et sœurs, le sahadis. Comme il cause l'eau, Aïssa alayhi salam, pour vivre pendant 40 ans. Ensuite, il dit, tout le monde, il y a un seul dire alayhi al-muslimoun. Et ben musulman, quand il mourra après 40 ans, il trouve l'amour. Et ben musulman, pour faire un mazanaza, lui, Ibn Kathir, rahimahullah, il continue et il dit, et pointer, il dit dans Madina, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, pas mettre confusion dans nous la tête. Non, non, non, prends-le bien. Nous regrettons. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit nourrir sa salam pointé là-bas? Non. Ça l'est clair de nous la tête. Il n'y a aucun hadith qui dit ça. Mais quand sa parole là sorti, sa parole là sorti un. Depuis, un parmi les sahaba qui finit la connaissance concernant l'Injil. Et un du monde qui cause concernant un sahaba qui cause l'Injil ou bien Taurat, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous avec sa parole, nous recette-le? Ou bien nous accepte-le comme ça même? Non, nous reste. Nous restons tranquilles là. Ne pas faire aucun commentaire là. Et déjà, parmi les savants, je dis bien parmi, parce que beaucoup de savants font une cause là, un des savants qui est plus facile, plus connu pour nous, c'est qui ça? C'est Imam Ibn Kathir, rahimahullah, lui aussi lui dit qu'il a Isa alayhi salam, quand il fume, il a pointé lui de Madina à côté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, mas'alala devant nous. Veut dire la question lui devant nous, alhamdulillah, nous trouvons une réponse qui est une savant. Fin donné, nous fin trouve qui finit dans l'Injil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit déjà nous. Dans une situation comme ça qui nous fait, est-ce qu'il nous trouve ça insisé pour nous discuter à faire, il faut monter à côté avec le prophète ou bien non? Qu'est-ce qu'on va voir en ce moment? Nous pose la question, nous dire comme ça, oui, il faut enterrer à côté avec le prophète. Qu'est-ce qui est arrivé là? Ou bien non, il ne va pas enterrer, il va enterrer de bâtir. Prends ça qui nous fait une gain depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement concernant ce bon action qu'il faut faire. Prends depuis ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à nous concernant parole en israéliens, nous ne gagnons ce parole, nous pas rejeter et nous pas accepter ni de nos croyances qui comme suite, oui, Isa alayhi salam pour vous après 40 ans, et ben musulman pour faire ce namaz janaza sans aucun doute. En tant qu'un prophète, les mots, les hantir, place qu'il finit, parce qu'il est fin mot, Allah subhanahu wa ta'ala pour plus connaît Kod Sali pour mot, si nous va pour là, et Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître Kod Sali pour en enterrer. Inch'Allah, l'autre semaine, ça qui faut avec nos chers frères et sœurs, c'est un de bon peuple. Un de bon peuple qui pouvine plus beaucoup qu'ils en font Adam, malgré qu'ils soient de dernier lire. Prends depuis Adam alayhi salam pour venir se casser là. Combien de monde n'existait au salafé là? Imagine-nous, là, nous peut causer et un peuple. Quand je suis sorti, je pouvais me plier beaucoup, pas Oumma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas plier beaucoup qui, dit moun qui pouvait exister le Salémonaf à l'époque là. Je pouvais me plier beaucoup qui, prend depuis Adam alayhi wa sallam, jusqu'à dernier dit moun qui pouvait exister le Salaté là. Je pouvais me plier beaucoup qui s'allait au Salaté là. C'est ça qui nous appelle, ya, Djouj, Jawama, Djouj, ça qui connaît notre adjali, il fait, Gogé, Gogé Magog. C'est ça qu'Inch'Allah l'autre semaine pour avec nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.